une recette pour les marmitons. Attention, prends des notes à la maison. Un oignon tranché, une feuille de laurier, une grosse pomme de terre pelée. Les critiques culinaires n'aimeront pas, et je m'en fous. C'est ma recette, ma propriété intellectuelle, protégée par les conventions universelles. Une tasse de mélasse, quatre poireaux, un concombre coupé en petits morceaux. Par les conventions universelles. Oh, my God.